الحمد لله الحمد لله رب العالمين للوجه تديو سينيور دي زونيفير واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu tuteur des vertueux واشهد ان سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله الصادق الامين Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Muhammad est l'envoyé de Dieu sincère et véridique. Sayyidi, Amir al-Anbiya, maître, émir des prophètes, sallallahu alayka adada nujum al-sama, que les prières de Dieu soient pour toi au nom des étoiles du ciel, wa rimal al-sahra et au nom des sables du désert, wa awladi adam wa hawa, et au nombre de la descendance d'Adam et Ève. Amaba, après ceci, ayou al-ikhwat wal-akhawat fil islam, mes frères, mes sœurs en islam, ahbab al-habib Muhammadin al-Mustafa, très cher ou bien-aimé Muhammad al-Mustafa, alayhi afdalu salati wa azka salam, pour lequel on demande les meilleures prières et les hautes salutations. Innana fil yawmi الرابع والعشرين من شهر رمضان المبارك. On est aujourd'hui dans le ou bien au 24e jour de ce mois de Ramadan, ce mois béni, في العشر الأواخر, dans les 10 derniers jours, في الجمعة الأخيرة من رمضان. On est dans le dernier vendredi du mois de Ramadan. إنها فترة للتقييم. Il s'agit d'un moment d'évaluation, d'un moment de faire le bilan. فترة السؤال التالي. Un moment pour poser la question suivante. كل واحد منا يسأل نفسه. Chacun de nous doit se poser cette question. هل صيامي مقبول? Est-ce que mon jeûne de ce mois est bien agréé? هل ربي تقبل صيامي? Est-ce que Dieu a bien agréé mon jeûne? وإلا فأنا ضيعت الوقت. Sinon, j'aurais perdu le temps pour rien. يقول النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète prière et salut sur lui dit, رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع. Il se peut qu'un jeûneur ne tire comme bénéfice de son jeûne que la faim. Et dans une version, la faim et la soif. Et il se peut qu'un prieur, c'est-à-dire les prières de Tarawih, un prieur, prière de la nuit, ne tire comme profit de sa prière nocturne que l'éveil, qu'il est resté éveillé et il n'a pas dormi. Rawahu Ibn Majah, wal-Nasa'i, wal-Ibn Khuzayma, wal-Hakim, wal-Bayhaqi, wal-Tabarani, rapporté par l'imam Ibn Majah et par d'autres. Takhayyal, أناسا صاموا وقاموا الليل طيلة أيام وليالي رمضان. Imagine des gens qui ont jeûné, qui ont prié les prières nocturnes pendant tous les jours et les nuits du mois de Ramadan. من أجل لا شيء. Mais tout cela c'était pour rien, pour zéro. فقط جوع عطش وسهر. Uniquement c'était de la faim, de la soif, de l'éveil. تعب من غير جزاء. Une fatigue énorme mais sans récompense, sans salaire. الصيام لا يكفي. Le jeûne ne suffit pas. الصلاة لا تكفي. La prière nocturne ne suffit pas. المشكل, le grand problème, هو le grand problème est le suivant. هل الله قبل صيامك؟ Est-ce que Dieu le Très-Haut a agréé, a accepté ton jeûne? هل الله قبل صلاتك؟ Est-ce que Dieu le Très-Haut a agréé ta prière? Il t'a vu dans la prière, mais est-ce qu'il l'a agréé? هل الله قبل نفقتك؟ Est-ce que Dieu a agréé tes dépenses, tes aumônes pendant ce mois? Isma'u, mada qala Allah lil munafiqin fi zaman an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi sourate at-tawbah. Écoutez avec moi ce que Dieu le Très-Haut a dit aux hypocrites à l'époque du prophète prière, et ça je lis dans le chapitre le repentir. Qul anfiqu taw'an aw karhan. على خاطركم ولا بزز عليكم قل انفقوا طوعا او كرها لن يتقبل منكم ما يتقبلش داكشي كله منكم لن يتقبل منكم انكم كنتم قوما فاسقين سبب انكم فاسقين الله لا يتقبل من الفاسقين الله لا يتقبل من القوم الفاسقين Dieu dit ça veut dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam le prophète qui doit dire aux hypocrites, dit dépensez de votre propre gré ou contraint ou bien à votre ou à contre-cœur, jamais cela ne vous sera agréé car vous étiez un peuple pervers. Dieu n'agrée pas les œuvres venant des pervers. وأذكر بالآية المذكورة في سورة الحشر. Je vais rappeler le verset qui se trouve dans le chapitre le rassemblement. Allahuna yatakallam ma alladhina amanu, là Dieu s'adresse aux croyants. Wa la takunu kal ladhina nasu Allah fa ansahum anfusahum ulaika هم الفاسقون والله لا يتقبل من الفاسقين إنكم كنتم قوما فاسقين من نسي الله في حياته يخاف عليه يخشى عليه أن لا تتقبل أعماله من طرف الله تعالى وتبارك Dieu dit ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Dieu et Dieu leur a fait oublier leur propre personne ce sont ceux-là les pervers Et comme on l'a dit dans le verset précédent du chapitre, le repentir, Dieu n'agrée pas les œuvres des pervers. Et l'oubli de Dieu mène vers la perversité. L'oubli de Dieu est une grande perversité. Allah la yataqabbal a'mal al-fasiqin. Dieu n'agrée pas les œuvres des pervers. Thumma qala Allah. في الآية الرابعة والخمسين من سورة التوبة par la suite Dieu a donné la suite dans le verset coranique 54 du chapitre le repentir وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا ياتون الصلاة إلا وهم كسالى الكافر لا يتقبل الله أعماله الشيء الثاني ولا ياتون الصلاة إلا وهم كسالى يأتون بكسل يصلون الصلاة بكسل ولا ينفقون إلا وهم كارهون مد المسجد مد لكذا يكره يعطيه هو كاره إلا وهم كارهون لهذا الشيء الله لا يقبل منهم أعمالهم هؤلاء المنافقون Dieu dit et qu'est-ce qui les a empêchés de se voir agréer leurs dépenses c'est-à-dire leurs aumônes si ce n'est qu'ils ont renié Dieu et son messager la mécréance annule les œuvres Dieu n'agrée pas les œuvres lorsqu'il y a mécréance qu'ils ne vont à la prière que paresseusement. Lorsqu'ils vont à la prière, c'est avec paresse. Lorsqu'ils font la prière, c'est avec paresse. Une deuxième cause. Et qu'ils ne dépensent qu'à contre-cœur. Ils détestent dépenser. Lorsqu'ils donnent, ils donnent, mais en détestant cette action. Donc Dieu n'a pas agréé leur action ou leurs bonnes œuvres.